Bonjour à tous, très chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Gémozo. On se retrouve pour l'instant santé bien-être au naturel avec Les Secrets de Mathilde. Ce week-end a eu lieu le Festival du Féminin au Toli, un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes. Encore peu connu, ce festival a pourtant été créé en 2012 et depuis, il se déploie dans le monde entier. Montréal, Pondichéry, Bangkok, Mexico. À présent, il a déjà fait le tour de tous les continents. J'ai eu la chance d'être abeille ce week-end, autrement dit bénévole et gardienne des temples. Je remercie du fond du cœur les fabuleuses femmes, Claire Arnoux et Julie Gilles, à l'origine de la première et de la seconde édition du Festival du Féminin dans nos belles Vosges. Heureuse de poursuivre à nouveau l'aventure l'année prochaine. Je souhaite vous parler de ce festival car c'est une réelle mine d'or pour nous les femmes. Je vous invite à le vivre au moins une fois pour cheminer et changer votre vie de femme. Lors de ce festival se déroulent différents ateliers autour du féminin sacré, avec des intervenantes expérimentées, des cercles de femmes durant lesquels les femmes échangent sur différents sujets, des soirées à thème festives et conviviales, des massages bien-être sur rendez-vous, une librairie remplie d'ouvrages surprenants et bien sûr de belles rencontres. Mais surtout la sororité. Qu'est-ce que la sororité ? Le terme sororité est un nom commun féminin provenant du terme latin soror, qui signifie sœur ou cousine, et représente tout simplement la solidarité entre femmes. La femme contemporaine a soif de sens et de liberté. Elle s'interroge sur qui elle est et sa place dans la société. L'accès à sa féminité, à son plaisir, à sa créativité et à son épanouissement. Elle se confronte encore à toute forme de tabou. Selon Paule Lebrun, fondatrice de Haut Rite de Passage, le retour du féminin en Occident est un des événements majeurs du siècle dernier. Les luttes sociales et politiques qui ont suivi nous ont souvent caché la force de ce phénomène. Or, le féminin est en train d'entrer dans son deuxième siècle de déploiement. Le Festival du Féminin et les épiphénomènes s'inscrivent donc dans cette dynamique, fondée sur la rencontre et l'échange entre femmes dans l'authenticité et le désir d'exploration. La dimension corporelle se trouve au cœur du cheminement. Profondeur, délicatesse, ancrage, sensibilité, puissance et sensorialité. Car nous pensons que c'est dans l'intime et la force de notre corporalité, dans la beauté de notre mouvement, que se trouvent les solutions pour les générations à venir. En science, on qualifie d'épiphénomène un phénomène dont on ne suppose ne percevoir qu'une petite partie de ce qui est à l'œuvre réellement. Ainsi, chaque festival du féminin, à Paris, Sauriac, Montréal ou ailleurs, une grande vague de changements qui souffle sur le monde et passe à travers l'élan créatif véhiculé par les femmes, toutes générations confondues. Je vous encourage à participer à un de ces festivals, avec votre mère, votre fille ou vos amis. La société de demain est porteuse de sens, de cohérence et d'humanité, et tout simplement de féminin. Sachez, messieurs, qu'il existe également le Festival du Masculin. D'ailleurs, ce week-end se déroule la première édition du Festival Féminin Masculin à Lyon, où seront conviés hommes et femmes. Je vous invite à renouer avec votre féminin. Vous pouvez vous rendre sur le site internet du festival, www.festivalduféminin.com, où vous trouverez toutes les dates à venir. Telle une vague, un souffle, la femme est animée par le désir d'oser regarder sa part d'ombre et de lumière, de penser ses blessures, de se réinventer et de réinventer le monde. Apportant chacune sa particularité, le Festival du Féminin réunit une vaste tribu de femmes pour partager un rare moment de cheminement intérieur et de célébration. En espérant vous y voir en 2019 à l'hôtel de la Grande Cascade au Toli. Je vous remercie de m'avoir écouté. Retrouvez-moi tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur Radio Gémozo. Passez une très belle journée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.